tiens. Le bon temps me manque mon ami, et le temps me manque par moment. L'ennemi complote ma mort avec autant d'amour que j'aime maman. Je suis un peu content par moment, quand la tête de Jack est finie. Quand y'a 2-3 chats tu t'y mets, on n'est plus des frères tu te me niques. 3h du mat, on tourne en ville, ils sont passés vite depuis tournevis. Je passe par la nuit, confrère en boîte de nuit, je rentabilise, père de grand tournevis. Père de grand tournevis, père de grand tournevis. On ramasse la somme, on fait tout normal. Et j'appelle personne si ça tourne mal. J'appelle personne si ça vire au drame. Pour me hack, faut vider tout mon sang. Tous mes sahabs, tous mes os, tous mes frères. Que des hommes, on prend les armes. En bénévole, bénévole. Pour le bénéfice, t'imagines pas ce qu'on fait pour le bien des nôtres. Ma gueule du monde va le monde. Comment dans les bras du diable, dans ma tic de diable. J'ai pété le diable, faut que le moteur tourne à 4 000 par seconde. Faire le bise, je vais leur faire Tchernobyl. T'as perdu des love mon frère, père de grand tournevis. Peur de qui, peur de quoi? Je suis pauvre de père et mère. Je monterai pas au ciel moi. J'ai retourné terre et mer. Je me permets d'être malhonnête selon ma condition. D'assumer ma plume et mes positions. Toi t'es conditionné pour les beaux discours. Sur la tête de ma mère qu'on n'est pas pareil. Je donne des valeurs au petit pain du Burberry. Pas des rappeurs de merde qui sont contents de les voir aux infos pour des actes de barbarie. C'est pas carré. Et j'appelle personne si ça vire au drame. Pour me hack, faut vider tout mon sang. Tous mes sahabs, tous mes os, tous mes frères. Que des hommes, on prend les armes. En bénévole, bénévole. Pour le bénéfice, t'imagines pas ce qu'on fait pour le bien des nôtres. Ma gueule du monde va le